Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec une collègue de l'Université de Franche-Comté qui s'appelle Laurence et qui estuvo con nosotros el año pasado por estas fechas porque tenemos un intercambio Erasmus con su universidad y entonces este año otra vez ha venido a visitarnos. Buenos días, Laurence. Bonjour à tous et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Mais merci. Hoy dijo Laurence que nos iba a hablar de un aspecto del turismo francés que es el senderismo. En français, ¿cómo decimos el senderismo? Les sentiers de randonnée. Les sentiers de randonnée. Oui. Yo iba a decir les chemins, non, les sentiers. Un sentier en español sería un sendero. Un sendero, mm-hmm. Una palabra bonita. La palabra sentier, ¿te gusta? Ah oui, moi je trouve rien qu'en entendant le terme de sentier de randonnée, c'est déjà une invitation à la promenade. Voilà. Entonces, Laurence es un foro fan de senderismo y nos va a explicar cómo funciona el senderismo en Francia. ¿Quiénes son los aficionados del senderismo en Francia? Alors, il y a énormément de marcheurs en France qui sont d'ailleurs pour beaucoup regroupés dans une fédération française de randonnée. Et on peut dire qu'aujourd'hui en France, il y a 180 000 kilomètres, ce qui n'est pas rien, 180 000 kilomètres de 180 000 chemins. Et ces chemins sont balisés. Sont balisés. Qu'est-ce que ça veut dire, balisés? Ah, effectivement, c'est une caractéristique. Eh bien, balisé, ça veut dire que chaque chemin a un signe d'identité qui permet de le reconnaître. C'est-à-dire qu'on affiche sur des arbres ou sur des rochers ou parfois sur des fontaines, enfin, sur un support, disons, visible par tout le monde et censé être immuable. Permanent. Permanent, exactement. Des étiquettes en plastique dur sur lesquelles figurent des symboles et des couleurs. Ah, muy bien. Entonces, voy por un camino, empiezo el camino por la etiqueta roja, por ejemplo. Voilà, alors c'est peut-être parfois un peu plus compliqué, c'est-à-dire l'étiquette sera rouge avec un triangle bleu, par exemple, bien. Ou sera blanche avec un rond bleu. Voilà. Voilà. Alors, je continue. Et donde hay una bifurcación, ¿qué pasa entonces? Eh bien, il y aura un arbre, il y aura une fontaine, un poteau, enfin, quoi que ce soit, où on vous indiquera la marche à suivre et vous ne vous perdrez pas. On ne se perd jamais. On arrive toujours au but. Voilà. Normalement. Normalement. Normalmente, eso está bien. Il faut être attentif. Il faut être un petit peu attentif. Muy atento. Muy bien. ¿Y quién organiza ese sistema de senderos? ¿Cómo funciona? Alors, comme je vous expliquais, il y a une fédération française de randonnée en France et énormément de clubs locaux, des clubs de marcheurs. Et par exemple, il y a le club vosgien qui est un club assez réputé qui s'occupe d'entretenir les chemins, de les baliser dans un premier temps et de les entretenir. O sea, que marca los caminos y mantenerlos limpios, claro. Effectivement, et vérifier que les étiquettes ne sont pas tombées, qu'elles sont toujours en place pour que les marcheurs puissent retrouver leur chemin. Y que no haya ningún gracioso qui ait retourné l'étiquette dans l'autre sens. Ah, alors ça, on ne peut pas garantir que ça se produise pas. On ne peut pas garantir que ça n'arrive pas. Y a veces pasa, ¿verdad? El gracioso que le da la vuelta a l'étiquette y te encuentras al otro lado. Ahí. Pues muy bien. ¿Y donde tú vives? ¿Hay senderos? ¿Hay algún camino de senderos para...? Exactement. Alors, ce qui est particulier en France, je pense, c'est qu'il y a différents types de chemins. Il y a ce qu'on appelle des GR, il y a des PR, donc GR, des sentiers de grande randonnée, qui peuvent être des sentiers donc très longs, qui peuvent parcourir toute une région, des parcs régionaux. Et puis, il y a des sentiers de petites randonnées qui sont beaucoup plus courts. Et à un niveau vraiment très, très local, moi, j'habite dans un village de 650 habitants. Une association de notre village a également balisé des chemins autour du village, donc nous habitons au pied des Vosges, donc il y a une jolie forêt, des clairières, donc des endroits vraiment propices à la promenade, et il y a des petits chemins qui font 5, 6, 10 kilomètres. Voilà. 10 kilomètres, muy bien. Entonces, estos caminos están bien mantenidos, limpios, en orden, ¿y quién vigila los caminos? ¿Quién los vigila? ¿Hay una policía o un...? Alors, effectivement, bon, il y a des gens qui surveillent qu'il n'y a pas de détérioration, que les sentiers soient sûrs, et ce sont des gardes-verts. Des gardes-verts. Ce sont comme guardas forestales. Voilà. Comme des gardes-chasse ou des gardes-pêche. Exactement, c'est la police de la nature. Voilà, la police de la nature. Ils dépendent des municipios ou des ayuntamientos. En général, voilà, ils sont employés par des collectivités locales et beaucoup par les parcs régionaux. Voilà, si. Et par exemple, moi j'habite dans le parc régional des Vosges. Ah, claro, es que c'est un sitio privilegiado, claro. Muy bien, muy bonito. Y entonces la balise está, ahí es la etiquetita que te indica por dónde tienes que seguir. Y entonces cuando se cae una balise, por ejemplo, me contaste que cuando hubo ese temporal tan grande en 1999, ¿qué pasó, pues? Voilà, effectivement, donc en 1999, il y a eu une tempête très importante qui a causé des dégâts énormes dans les forêts françaises. Beaucoup d'arbres sont tombés et un jour en famille, nous avions décidé de faire une petite balade sur un sentier de randonnée. Et finalement, cette balade a duré beaucoup plus de temps que prévu parce que nous ne retrouvions pas les balises. Évidemment, elles étaient pour certaines placées sur des arbres qui étaient tombés et la tâche était tellement immense pour les gens qui entretenaient ces sentiers ou qui entretenaient la forêt qu'ils n'avaient pas eu le temps de repérer les balises qui manquaient, de les replacer sur d'autres arbres. Quelle angoisse, là. Oui, parce que là, nous étions dans la forêt vosgienne, et la forêt vosgienne est faite de pins, de sapins, Elle est d'épicéas, et donc il fait sombre. sombre très vite. Oui. Voilà. Bon, maintenant, avec les téléphones portables, on est plus tranquille, mais. Oui, mais on n'avait pas apporté téléphone, et même, ce n'était pas sûr que ça, le téléphone passe Ah à oui. l'endroit où nous trouvions. Oui, porque con los árboles a veces el teléfono no pasa, es cierto. Pues muy bien, y te voy a hacer una pregunta a lo mejor tonta. ¿Es seguro pasear por los bosques así? De mon point de vue, oui. Alors, il est vrai que, il y a eu quelques faits divers, mais plus centrés vers la région parisienne où des personnes ont été, notamment des femmes seules, ont été victimes de gens mal intentionnés. Mais je pratique effectivement pas mal la randonnée et je n'ai jamais, moi, rencontré aucun problème. Ah, bueno, o sea que podemos ir seguros, ¿verdad? Je pense et je vous y encourage. Muy bien, pues muchas gracias. Pues vamos a escuchar una canción, une chanson en francés, y después ya nos volvemos a encontrar. ¿De quién es la canción? ¿La ha traído Laurence también? ¿Quién es Voilà, alors c'est un peu particulier, c'est une chanson en français, mais l'artiste qui l'interprète n'est pas française. Elle s'appelle Stacey Kent, c'est une New-Yorkaise, une chanteuse de jazz, une jeune chanteuse de jazz, une quarantaine d'années, qui a choisi d'interpréter des chansons françaises de plus ou moins anciennes sur son dernier album. Très bien. Pues vamos a escuchar. Muchas gracias. Les accords. L'accordéon désaccordé du beau Léon s'accorde au diapason du tourbillon des corps et des cœurs amoureux. Et le cordon, langoureux de leur nostalgie, relie mon vague à l'âme au charme disparu des rues du vieux Paris. Où sont tous les camelots, les princes de la gouaille, les grands bonimenteurs, les champions du bagou, les tarzans la houppette, brillantinés de frais, qui accrochaient leurs bijoux de pacotille au cou des midinettes en bigoudi, et tous les ouistiti, les joueurs de barbarie qui tiraient sur leurs chaînes, jongleurs et funambules qui volaient dans les plumes des chanteuses avant-guerre, frêles et la damia, charmeuses yeux de cobra, qui vous saignaient le cœur avec les trémolos du malheur dans la voix. Les accords. L'accordéon désaccordé du beau Léon me colle à fleur de peau, les nappes de frissons des vagues de langueur. Et le cordon, langoureux de leur mélancolie, marie mon vague à l'âme à celui du Paname qu'on aime et qu'on oublie. Envoler les bouillards, café boisé charbon, les flambeurs de Java soignant leur peine de cœur aux martini picon, les sifflets des poulebots qui fusaient de la place, quand les filles à Marlou veulent se chalouper l'été à la terrasse du caboulot, où sont passés les fous rires et tous les mots doux des amants de la Seine, qui traînaient leur bonheur des cas de l'île Saint-Louis à Notre-Dame en fleurs, dans quel nid au perché du paradis les photographes se cachent les petits moineaux du Paris de Douaneau chantés par la môme Piaf. Les accords, l'accordéon désaccordé du beau Léon me fit la fleur de peau. Des nappes de langueur et vagues de frissons. Et dans ce vieux décor, illuminé par les tubes au néon, je noie mon mal d'amour dans les bras du Paname, encerclé par les tours. Et qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait, mon Paris, ma canaille? Tous ces démolisseurs font un pavé dans le cœur et les semelles en béton. Par où s'est envolé l'esprit des ritournelles, ces vannons des ruelles et du pavé des cours sous l'aile des hirondelles du faubourg. T'as l'air d'un nouveau riche qui a honte de son passé et qui jette la photo déchirée de son âme par-dessus les périls. Je t'abandonne aux touristes, en l'heure de Tour Eiffel, et je retourne en banlieue demander au bon Dieu de faire la courte échelle. Au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles, que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour des balles. Au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles, que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour des balles. Chers amis, nous sommes de nouveau Laurence et moi, et nous allons à seguir hablando de los caminos, de los senderos, de los del senderismo, ¿verdad? Et ¿qué más nos podías decir del senderismo en Francia? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo voilà, procede donc, la gente? Je vous ai dit qu'il y avait déjà donc 180 000 km de sentiers balisés. En fait, on peut choisir, disons, des sentiers en fonction du thème ou de l'endroit qui nous séduit le plus. Donc, il existe des sentiers au bord de la mer, des sentiers donc littoraux, des sentiers à la campagne, à la montagne, des sentiers qui parcourent les lacs et les rivières ou les cascades, et des sentiers aussi à travers le vignoble, les vignobles de France. Et également, il existe des sentiers historiques. Oui. Pues hay una variedad muy grande por temas, son senderos temáticos, digamos. Exactement. ¿No? Oui. Pues muy bien. Y entonces, en tu zona, ¿qué senderos temáticos hay por los Vosgos? Voilà, alors dans le lieu, dans la région où j'habite, effectivement, il y a un sentier, disons, de moyenne montagne qui s'appelle le Ballon des Vosges. Hein, les sommets des Vosges s'appellent des ballons puisqu'ils ont été usés par les glaciers et par le l'eau, etc. Exactement, donc c'est un ensemble c'est de ballons. Des masses montagneuses, masses así redondeadas, ¿verdad? Des ballons, sí. Exactement, donc c'est très très agréable de se promener à travers les sentiers de randonnée des Ballons des Vosges, puisque donc ce sont pas des montagnes très hautes, donc il n'y a pas trop d'efforts à faire pour grimper sur les sommets. Et on traverse des forêts très agréables en été quand il fait chaud, parce que ce sont des forêts à l'ombre. Et il y a aussi de nombreux lacs. Donc ça, c'est un aspect. Alors il y a un autre aspect dans la région qui sont les sentiers de randonnée à travers le vignoble. Le vignoble d'Alsace, hein, claro, qui est quand même assez réputé, effectivement. Du vin blanc, très bon vin blanc. Exactement, du Riesling notamment. Et ces sentiers de randonnée sont vraiment très très agréables à parcourir. Je dirais peut-être notamment à l'automne, déjà pour les couleurs du vignoble. Ça va du jaune au rouge, en passant par le brun, avec encore un petit peu de vert. Et donc ces sentiers de randonnée nous mènent à travers les vignes. Donc, en passant, on peut grappiller quelques grains de raisin. Vous pouvez probar la uva. Oui, exactement. Et puis, ces chemins nous font traverser aussi des villages typiques, avec ces maisons alsaciennes à colombages, ces maisons colorées, fleuries. Voilà. C'est l'Alsace, c'est très, très joli. Voilà, et on peut s'arrêter aussi, peut-être déguster un petit vin chez un vigneron. Et puis, repartir dans le vignoble. Et al siguiente, ver más viñas y comer más uvas. Pues es una cosa muy simpática. Et siempre es andando, c'est toujours à pied les chemins de randonnée? Alors, en principe, voilà, il s'agit de randonnée pédestre. Hein, d'ailleurs, c'est un terme souvent employé, mais de plus en plus, d'autres sentiers sont balisés pour ceux qui seraient amateurs de balades à cheval. Voilà, ou de balade à vélo, hein, puisque le VTT ou le VTC, mais là en l'occurrence il s'agit plutôt de VTT, est une activité très répandue en France et beaucoup de gens effectivement choisissent. Claro, vamos a decir a nuestros oyentes lo que es un VTT. Es un vélo, es decir, una bicicleta, un vélo tout terrain. De esas bicicletas que pasan por todos lados, ¿verdad? Tout à fait. Sí, muy bien. Entonces se puede hacer a caballo o a bicicleta. Entonces, vamos a decir a nuestros amigos españoles, ¿cómo hacen? Cogemos el coche aquí en Salamanca, vamos a los Vosgos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, alors, il vaut mieux préparer un peu son voyage avant, son voyage ou son sentier, son itinéraire de balade hein, avant. Donc, guías, ¿verdad? Exactement, il y a des guides. Alors, les guides, on les retrouve très souvent dans les offices de tourisme ou de plus en plus par Internet en visitant les sites des offices de tourisme ou si vous tapez les mots-clés sentier de randonnée associé à une région ou un endroit particulier, vous trouverez sans doute de nombreuses choses, des cartes notamment. Et l'idée, c'est que on a des informations très précises concernant la randonnée que l'on veut faire et on la choisit en fonction de ces informations. Donc, en fonction de la difficulté, si c'est faisable avec des enfants ou pas, en fonction de la durée, puisque on peut très bien parcourir un sentier pendant 2 heures ou pendant 3 heures ou pendant 5 heures, 6 heures, pendant toute une journée ou peut-être plusieurs jours aussi. C'est une forme de cada uno. Voilà. Donc, on sait à quoi s'attendre en fonction de la difficulté, du temps. On sait si le sentier est uniquement à découvert ou si on va passer à travers des forêts. Donc, on voit très bien où on va. Entonces, los senderos hacen como un bucle, ¿no? Volvemos al sitio donde hemos empezado. Exactement. C'est-à-dire qu'on laisse la voiture, on va se promener, et puis on revient, on reprend la voiture, on va se coucher. Tout à fait. Et on dort magnifiquement. Ah, ben là, sûr. Entonces, vacaciones estupendas, andando por los caminos de Francia. Muchas gracias, Laurence. Mais de rien. Hasta que nos veamos otra vez. J'espère. Adiós. Au revoir. Au revoir.